Bon, bonjour, je m'appelle Stéphane Mazouf, donc je suis chercheur au CNRS, donc qui est le Centre National de la Recherche Scientifique, qui est le plus grand organisme français de recherche et qui traite tous les domaines. Je travaille à Orléans, dans un laboratoire qui s'appelle ICAR, et ICAR qui est un acronyme pour Institut de Combustion, Aérothermique, Réactivité et Environnement. Donc c'est une petite unité du CNRS, donc c'est une unité propre, c'est un laboratoire dont la tutelle est uniquement le CNRS, on n'est pas rattaché à une université, donc il y en a quelques-unes, mais il y en a peu. La plupart des laboratoires, c'est en fait des laboratoires qui sont rattachés à des universités, et le CNRS a ses propres unités. C'est une petite unité, nous sommes à peu près une cinquantaine de personnel, la moitié de chercheurs et la moitié de personnel à la fois technique et administratif. Et c'est un laboratoire dont les axes de recherche suivent trois directions qui sont quand même assez distinctes. Il y a de la combustion, donc les gens qui travaillent sur les moteurs, sur les chaudières, de nos jours sur les biocarburants, sur les carburants verts, etc. Il y a les gens qui travaillent sur la réactivité atmosphérique, c'est-à-dire principalement la pollution atmosphérique et comment par exemple les rayons du soleil transforment les produits rejetés par nos sociétés dans l'atmosphère et comment à leur tour ces produits influent sur les organismes et sur nous et sur notre santé. Et puis il y a un troisième axe qui est l'axe propulsion spatiale et écoulement à grande vitesse, qui est l'axe dans lequel je travaille avec mon équipe. Alors en fait c'est un laboratoire qui suit un petit peu le cours du temps, si on en est arrivé là aujourd'hui. C'est-à-dire que ça peut sembler bizarre que dans une même unité, on regroupe trois grandes équipes qui n'ont pas de point commun. Mais c'est assez courant dans la plupart des laboratoires. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a 30 ans, il y a 30 ans, dans ce laboratoire, il n'y avait que des gens de la combustion. Et puis l'histoire fait qu'une autre équipe est venue se greffer à Orléans, un labo parisien a été démantelé, donc une équipe a été renvoyée à Orléans. Et au fur et à mesure de l'histoire, on se retrouve avec trois équipes qui ne travaillent pas sur des thématiques communes, mais ce n'est pas forcément très... très grave, on y arrive parfaitement, on arrive à communiquer entre nous. Et en même temps, je dirais que le fait qu'on travaille sur des thématiques un peu éloignées fait qu'il y a peut-être moins de concurrence interne et peut-être une meilleure ambiance finalement. Parce qu'il peut y avoir dans des laboratoires où toutes les équipes travaillent en gros sur le même axe, une concurrence féroce, c'est le cas aujourd'hui, hein, parce qu'il y a de plus en plus... on reçoit de moins en moins d'argent de l'État, directement, on le reçoit indirectement, ce qui veut dire qu'il faut quand même aller le chercher. Donc là, il y a énormément de concurrence. Hein. La recherche a beaucoup changé au cours des 5 dernières années, et même en interne. Donc il peut y avoir des équipes très concurrentes dans un même laboratoire, et donc on peut imaginer que ça ne crée pas forcément une très bonne ambiance. Donc au moins, on aura ce problème. Je viens de Limoges, je suis originaire du Limousin, de Limoges, donc j'ai fait le lycée Gay-Lussac, et où j'étais tout destiné à faire une classe préparatoire, parce que j'ai eu mon bac C, qui n'existe plus, mais qui était mathématiques physique à l'époque, avec mention bien. J'étais donc destiné à faire les classes préparatoires qui en plus sont dans ce lycée-là, et puis j'étais un peu rebelle à l'époque. Plus qu'aujourd'hui, et puis moi j'avais dit à mes parents que non, je voulais vivre et je voulais pas être esclave de mes études. Donc j'ai pas fait de classe préparatoire, au grand dam de mes parents, et je le conseillerais pas aux jeunes d'aujourd'hui. Si vous pouvez les faire, le système français est tel qu'aujourd'hui, il faut quand même mieux les faire pour assurer de bonnes études par la suite. Donc je n'ai pas fait de classe préparatoire, mais je voulais faire de la physique, et donc j'ai fait un IUT. Donc j'ai fait l'IUT mesures physiques à Limoges, où j'ai été pris sans problème sur dossier. Et là, je me suis réellement éclaté. Mais ça a été 2 années de pur bonheur. Physique à la fois théorique et expérimentale. Hein, on voyait vraiment les deux aspects. Donc on pousse beaucoup moins loin la réflexion théorique en classe préparatoire, mais on a beaucoup plus de manip. Et là, je me suis vraiment régalé. J'ai fini major de promotion. Et étant major de promotion, j'ai pu intégrer une ANSSI derrière. J'ai eu un coup de bol, là. Hein. La classe préparatoire aurait été la voie traditionnelle. Donc j'ai fait une école d'ingénieur, toujours à Limoges. Et en dernière année, j'ai fait un DEA en cours du soir, parce qu'à l'époque, les filières n'étaient pas intégrées. Donc DEA, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est l'équivalent du master, master 2. Donc je l'ai fait en parallèle en cours du soir, juste pour m'éclater. Vraiment, je m'éclatais. Hein. Je ne me gênais pas d'avoir 40 heures de cours par semaine. Je m'amusais bien. Et après, à la fin de ce cursus-là, je suis parti en tant qu'étudiant Erasmus aux Pays-Bas, dans un laboratoire de recherche aux Pays-Bas, qui travaillait donc en physique des plasmas. Donc j'y reviendrai, j'expliquerai peut-être un peu plus tard ce que c'est. Donc ils travaillaient sur cette thématique-là. Donc j'ai travaillé 6 mois chez eux. Et là, je me suis vraiment aussi régalé, là, vraiment à faire de la recherche, intégrer dans une équipe. Et donc c'était vraiment, vraiment bien. Et puis j'ai décidé donc de poursuivre, hein, de faire une thèse de doctorat. Et j'ai fait ma thèse de doctorat dans ce laboratoire-là, aux Pays-Bas. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un PhD, un Philosophical Doctorate, qui est le terme anglo-saxon, en fait, parce qu'ils ont le modèle anglo-saxon. 4 ans donc de thèse de doctorat là-bas, parce que c'est la durée normale. Et après, j'avais décidé de revenir en France. Donc c'était vraiment mon plan de carrière, si on peut parler de plan de carrière. Et mon plan, c'était vraiment de revenir en France, pas forcément de rester à l'étranger. Donc je leur avais dit d'entrée de jeu, eux le savaient. Donc le sujet de la thèse, c'était d'étudier donc d'étudier certains plasmas avec des lasers. Alors en fait, un plasma, c'est un état particulier de la matière. Donc les gens en connaissent 3 parce qu'ils vivent avec tous les jours. Et l'état plasma, il est un petit peu moins connu. Donc les gens sont très familiers de l'état solide, l'état liquide, que tout le monde connaît, et puis l'état gazeux. Et en fait, quand j'ai cité ces 3 états, je ne les ai pas rangés n'importe comment. Je les ai rangés en fait dans l'ordre de température croissante. Si je prends l'exemple de la glace, en dessous de 0, c'est-à-dire des températures relativement basses, la glace est sous forme solide. Et puis si je chauffe un peu, les molécules d'eau vont se mettre à bouger un petit peu, et si je dépasse 0 degré, elle devient liquide. C'est-à-dire que, alors elles ne sont pas tout à fait séparées les unes des autres, elles sont encore un petit peu collées, mais moins, donc elles peuvent épouser la forme d'un volume ou d'un récipient. Donc ça, c'est l'état liquide. Et puis si je chauffe encore, donc là c'est 100 degrés pour l'eau, eh bien on va fabriquer un gaz, donc l'eau va passer sous forme de vapeur, c'est-à-dire les molécules vont toutes se séparer les unes des autres, partir dans toutes les directions, et donc on a un gaz. Mais rien ne nous empêche de continuer à chauffer, en fait. Donc on peut continuer à donner de l'énergie à notre matière. Et donc si on continue à chauffer, qu'est-ce qui va se passer? Une molécule d'eau, on peut la casser. Donc on va la casser, donc une molécule d'eau, c'est H2O, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Je peux la casser, donc je vais obtenir des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène qui vont vivre leur propre vie. Mais je peux continuer à casser la matière en lui fournissant encore plus d'énergie, si je chauffe encore plus. Et là, on va pouvoir casser les atomes. Et si on casse les atomes, je pense que la plupart de vos auditeurs le savent, sont constitués d'un noyau qui est chargé positivement, d'électrons chargés négativement, et donc je peux arracher les électrons. Donc je vais me retrouver avec des particules positives, qu'on appelle les ions, et des particules plus petites et plus légères, chargées négativement, qu'on appelle les électrons. Et un plasma, c'est cet état de la matière-là. C'est-à-dire, c'est un état de la matière qui est composé, c'est un état gazeux, hein, donc très dilué, peu dense, qui est composé d'ions et d'électrons. Donc c'est cet état de la matière. Alors pourquoi on le trouve pas beaucoup sur Terre? Parce que les gens auront quand même remarqué que sur Terre, on vit dans un domaine de température qui est relativement étroit. C'est d'ailleurs pour ça que la vie a pu apparaître, parce que la vie, c'est quelque chose qui vit dans des domaines de température et de pression relativement faibles. Or, pour avoir un plasma, il faut des températures très élevées. Alors température très élevée, on parle de milliers ou de centaines de milliers ou de millions de degrés. Mais il y a quand même des exemples de plasma sur Terre. Naturel, les éclairs, par exemple, lors des orages. C'est l'état plasma, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'énergie que les molécules qui composent l'air, hein, principalement l'azote et l'oxygène, ont été cassées et dissociées, et on leur a arraché leurs électrons. Et les états plasma sont des états énergétiques qui ont, là, en général, qui sont aussi très lumineux, qui produisent de la lumière. Donc c'est pour ça qu'un éclair, on le voit bien. Donc les éclairs en sont des exemples. Les aurores boréales sont un autre exemple de plasma, avec cette fois-ci des particules qui nous viennent du milieu interstellaire. Mais il y a quand même un plasma à qui on doit beaucoup, qui est le Soleil. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que le Soleil, c'est une boule de gaz. Presque. C'est une boule de gaz très chaude. Alors, c'est de l'hydrogène et de l'hélium principalement. Mais c'est tellement chaud qu'en fait, ce gaz est sous forme plasma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atome d'hydrogène ou d'atome d'hélium neutre, mais en fait, ils sont cassés. Donc, il y a des ions hydrogène qu'on appelle des protons, des ions d'hélium et puis des petits électrons. Donc ça, c'est un plasma qu'on connaît bien, on voit ses effets indirectement. Mais cet état de la matière a beaucoup d'applications. En fait, il est relativement étudié dans les laboratoires, parce qu'on peut en faire plein de choses avec cet état de la matière. Alors par exemple, on peut faire des écrans plasma. Allez, un exemple que les gens connaissent, même si aujourd'hui ils vont être remplacés peu à peu par les LED. C'est un état aussi qu'on utilise pour fabriquer, pour faire de la chimie et pour fabriquer des revêtements, des couches minces, avec des tas d'applications en optique, en mécanique. On a des systèmes pour dépolluer aussi. Et puis il y a une chose que au moins beaucoup de gens ont entendu parler, c'est le projet ITER et le projet de fusion nucléaire. Donc là, l'idée, c'est d'obtenir de l'énergie, donc pas par fission, c'est-à-dire par séparation de noyaux lourds, de noyaux d'uranium par exemple, mais en faisant le procédé un peu opposé où on prend deux atomes légers et on les colle. Donc ça, c'est le procédé de fusion. Mais pour qu'on arrive à coller deux atomes légers, donc par exemple deux atomes d'hydrogène, ben, il faut des températures et des énergies énormes. Et donc, en fait, ça passe par un état plasma. Et donc, ça, c'est une des applications possibles dont on entend beaucoup parler et qui, j'espère, verra le jour. Donc, je reviens à moi. Voilà, je reviens à ma thèse. Donc, j'étudiais des plasmas d'hydrogène pour plutôt des aspects assez fondamentaux pour savoir un peu comment ces plasmas se comportent, comment les espèces se déplacent dans ces milieux un petit peu compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué un plasma par rapport à un gaz? C'est simplement parce que comme c'est pas neutre électriquement, ça va réagir aux champs électriques et magnétiques qu'on va leur imposer. Et puis là, on peut avoir des comportements très intéressants. Mais ça va aussi générer ses propres champs électriques et magnétiques, qui à leur tour vont influencer sur le... etc. Et donc ça se boucle de manière non linéaire. Donc il y a des phénomènes physiques extrêmement complexes qu'on maîtrise pas du tout... Pas bien aujourd'hui, je dirais pas du tout, mais pas bien aujourd'hui. Donc il y a encore beaucoup de recherches très fondamentales sur ce milieu-là. Et donc la thèse était sur ces plasmas d'hydrogène, qui sont des plasmas relativement simples, parce que l'hydrogène est un atome simple, avec pour but donc de mieux comprendre comment les particules se déplacent, comment elles sont couplées entre elles, est-ce qu'on peut guider un plasma, etc., etc. Donc c'était des plasmas un peu particuliers, parce que c'était des plasmas par faisceau, un peu supersoniques, donc il y avait aussi... étudier l'onde de choc qui se crée dans un plasma quand on met un obstacle, etc. Donc ça, c'était un peu l'objectif de mes travaux de thèse. Et donc, il y a aussi une chose qui est un petit peu compliquée quand on a un plasma, c'est que, par exemple, si vous voulez mesurer la température, on évite d'y mettre un thermomètre, à cause de la... Quand vous êtes à 10 000 ou 100 000 degrés, le thermomètre, il ne va pas survivre. Donc il nous faut, en fait, des outils pour pouvoir aller sonder cet état de la matière. Et beaucoup d'outils qui sont utilisés, puisqu'on ne peut pas y mettre les doigts, ce sont des outils ou des techniques optiques. Alors soit on le regarde, parce qu'un plasma comme ça émet de la lumière, on prend le soleil, ça, c'est assez évident, donc on peut étudier cette lumière, et cette lumière va nous renseigner sur ce qui se passe, sur les propriétés du plasma. Ou alors on peut envoyer de la lumière et regarder comment le plasma réagit, et c'est ce que j'ai fait pendant mes travaux de thèse. C'est-à-dire qu'on a monté des systèmes donc avec des lasers, on envoie de la lumière sous forme de faisceau laser. Là, il y a tout un panel de techniques à disposition, et puis on regarde après comment le plasma va réagir. Donc c'était une thèse à la fois... fondamentale, avec d'assez belles choses, et puis appliquée et expérimentale, parce qu'il a fallu monter tous ces systèmes laser compliqués, avec plein de montages qui donnent lieu à de belles photographies, parce qu'il y a des miroirs et des faisceaux partout, et des choses assez compliquées. Donc je me suis bien régalé pendant ces 4 années de thèse, où j'étais dans un super labo très dynamique, et probablement devenu l'un des labos les plus dynamiques aujourd'hui en Europe dans ce domaine-là, et qui était déjà très dynamique à l'époque. Donc Eindhoven, que certains connaissent peut-être, parce que c'est la ville où il y a Philips. Donc il y a une très très grande université à Eindhoven. Donc j'étais dans le département de physique appliquée. Donc une thèse qui s'est très bien placée, parce que très bien encadrée, avec un directeur de thèse qui était une personne absolument extraordinaire, à qui je dois beaucoup et à qui je dois, je pense, le reste de ma carrière, qui m'a beaucoup stimulé, beaucoup aidé, beaucoup entraîné à répondre aux attaques des autres et à démontrer qu'on était sûr de soi et qu'on avait raison. Et donc à la fin de cette thèse, donc j'ai soutenu en octobre 2001. Donc j'ai décidé de rentrer en France, que j'avais gardé quand même pas mal de contacts en France. Et là j'ai trouvé un poste donc d'étudiant postdoctorant, ça s'appelle un postdoc, à Orléans, dans un laboratoire qui s'appelait le laboratoire d'aérothermique. Et ce laboratoire étudiait aussi des milieux plasma supersoniques, donc qui s'écoulent à grande vitesse. Donc c'était là le lien avec mes travaux. Et les gens de ce laboratoire voulaient implémenter les techniques laser que j'avais étudiées pendant ma thèse. Donc ils m'ont recruté. Donc j'ai fait un an de postdoctorat et puis un an de poste d'attaché temporaire de recherche à l'université, parce que je voulais aussi me confronter un petit peu à l'enseignement et voir si je préférais faire une carrière plutôt de chercheur ou plutôt une carrière d'enseignant-chercheur. Et donc après, j'ai passé des concours et je suis rentré donc au CNRS en 2003 où j'ai eu la chance de pouvoir choisir entre un poste de maître de conférence et un poste au CNRS. Et donc j'ai choisi de rentrer au CNRS, donc dans ce laboratoire d'aérothermique, sur un sujet qui était pas le sujet pour lequel j'avais été recruté, mais qui est mon sujet de recherche actuel, qui est la propulsion à plasma, en fait. Parce que parmi les applications que j'ai citées, il y en a une que je n'ai pas citée, qui est la mienne aujourd'hui, qui est la propulsion spatiale. Et donc, on utilise aussi cet état plasma. Je pense que j'explique un petit peu pourquoi on utilise ça, mais on l'utilise aussi pour faire des réacteurs et des propulseurs pour les... Alors non pas pour les fusées, je dirais pourquoi, mais pour les satellites et les sondes spatiales. Et donc, c'est sur cette thématique que je suis rentré donc, dans ce laboratoire d'aérothermique. Donc depuis, l'équipe a grandi, puisqu'aujourd'hui, on est 2 chercheurs, il y a 2 post-doctorants, 3 doctorants et des étudiants. Donc, ça fait une petite équipe de 10, plus un staff technique assez important, parce qu'on continue toujours à faire, nous, des expériences, à construire des moteurs, à les tester, etc. Mais entre-temps, le laboratoire a fusionné avec un autre, avec un laboratoire de combustion et de réactivité atmosphérique, ce qui donne aujourd'hui l'Institut ICAR dans lequel je travaille. Et c'est pour ça, donc c'est ce que j'expliquais, que là c'est un peu le hasard qui fait que les politiques gouvernementales ont fait que les laboratoires se sont mis à fusionner. Donc moi je viens de la fusion, j'ai vécu la fusion de 2 unités, bon ça se passe pas mal, mais c'est pour ça qu'on retrouve dans le laboratoire où je travaille aujourd'hui des gens qui font des choses différentes, parce qu'en fait on est issus de fusion. Quand j'étais tout petit, aussi loin que je remonte, donc je ne sais pas, les psychanalystes nous diraient 5-6 ans, j'ai toujours été fasciné par les sciences. J'avais beaucoup de livres qui expliquaient un peu comment marche l'univers, après j'ai eu beaucoup de livres sur les planètes, etc. Donc oui, je pense que comme beaucoup de petits garçons, l'espace et la conquête spatiale, on était dans les années 70-80, donc c'est un peu différent, il y avait les premières navettes, j'ai vécu les premières navettes spatiales, etc. Ariane et tout, donc je restais devant ma télé le samedi après-midi pour regarder les... Ariane décolle et c'est fou. Aujourd'hui, ça n'intéresse plus grand monde parce que c'est devenu aussi beaucoup plus banal. L'espace m'intéressait, très vite, j'ai voulu faire soit mathématicien, soit physicien. Alors après, pourquoi j'ai fini physicien plutôt que mathématicien, je ne saurais pas. Peut-être parce que j'étais quand même meilleur en physique qu'en mathématiques. Et puis après, c'est un peu la vie, hein, les hasards, des rencontres, des études, etc. Mais sans jamais vouloir devenir, par exemple, astrophysicien ou autre. Et donc, j'ai fait plutôt des études... dans mes études, c'était plutôt de la physique du solide, donc physique de la matière et physique des plasmas. Et donc, pendant de nombreuses années, j'ai perdu totalement, je dirais, l'espace ou les technologies spatiales de vue. Quand j'étais en thèse à Eindhoven, jamais j'aurais pensé que je finirais à travailler sur la propulsion spatiale. Là, on voit bien, je pense, un peu comment se font les parcours, c'est qu'on ne maîtrise pas tout dans nos parcours. Et quand je suis revenu en France, j'ai découvert... Parce que même en tant que physicien des plasmas, je ne savais même pas qu'on faisait de la propulsion à plasma. C'était pour vous dire, mais c'était un peu moins développé qu'aujourd'hui. Et donc quand je suis arrivé dans ce laboratoire à Orléans, il s'avère que les recherches sur la propulsion à plasma en France se faisaient dans ce laboratoire, non pas qu'il y avait des équipes de recherche, mais qu'il y avait la grosse machine où étaient testés les moteurs français. Donc c'est un peu le hasard, je suis tombé dans ce laboratoire-là. J'ai trouvé ça fascinant, avec des tas et des tas de questions qui rejoignent d'autres grandes problématiques de cette physique des plasmas. Et c'est pour ça que j'ai décidé, lorsque j'ai postulé au CNRS, d'orienter mon projet de recherche, parce que c'est ce qu'on nous demande quand on rentre au CNRS et quand on passe les concours, c'est d'essayer de se projeter dans l'avenir et de dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va apporter, quelles sont les stratégies, etc. Et donc j'ai choisi ce milieu-là. Et je ne le regrette pas. 10 ans après, presque, je ne le regrette vraiment pas d'avoir choisi cette thématique-là, parce que c'est une thématique fascinante, en mouvement. Alors je suis revenu du côté du spatial, qui est aussi... En fait, là c'est très lié évidemment à la guerre froide et à la physique des plasmas. C'est-à-dire, tout débute à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Guerre froide oblige. La physique des plasmas se développe aussi à cette époque-là, aussi bien aux États-Unis qu'en URSS. La conquête spatiale, qui était très liée quand même aux missiles pour transporter les charges nucléaires, hein, se développe en même temps. Et finalement, les deux vont se rencontrer dans les années 60. C'est-à-dire que dans les années 60, les ingénieurs de l'aérospatiale et les gens de la physique des plasmas s'aperçoivent qu'en fait, ils ont de quoi fabriquer de nouveaux propulseurs. Pas tellement pour les lanceurs, pas pour les missiles, mais pour les satellites. Et les satellites, ça débute dans ces années-là, dans la fin des années 60, les premiers satellites lancés. Donc là, il y a une lutte qui s'installe entre les deux nations. Et pourquoi les plasmas deviennent intéressants? C'est parce que au tout début du XXe siècle, en fait, en 1903, il y a un physicien russe qui avait démontré que pour la propulsion spatiale, qui ne fonctionne pas du tout comme la propulsion automobile, parce que pour faire avancer un véhicule spatial, on ne fait pas tourner une roue, en fait, on éjecte de la matière. Alors c'est ce que je pense la plupart des gens connaissent sous le principe d'action-réaction. Si vous éjectez de la matière dans une direction, eh bien, ça va pousser dans la direction opposée. C'est ce que les physiciens appellent le principe de conservation de la quantité de mouvement. Et donc, ce physicien russe, du nom de Tsiolkovsky, montre qu'en fait, il y a un phénomène qui est purement mathématique, il le démontre mathématiquement, que si on arrive à éjecter très vite cette matière, on la lance très vite, en fait, pour faire bouger un véhicule spatial, il en faudra beaucoup moins. C'est un petit peu, c'est pas du tout intuitif, c'est un petit peu comme avec votre voiture, si on vous disait que plus vous allez rouler vite, plus vous allez accélérer, moins vous allez consommer. Hélas, ça ne marche pas pour une voiture. Et c'est vrai pour un vaisseau spatial. Or, dans les années 60, les physiciens des plasmas, en fait, travaillent avec des ions, donc la partie positive du plasma, c'est les charges positives. Et comme ces ions sont sensibles aux champs électriques, on peut les accélérer. Et on peut les accélérer à très grande vitesse. Et c'est là où le lien se fait entre les gens de l'aérospatial et les gens de la physique des plasmas, où les gens comprennent qu'on pourrait très bien utiliser ces ions positifs accélérés à grande vitesse comme carburant. Et comme on va être capable de les éjecter très vite, on va consommer moins de carburant. Donc là, ça se met en branle de chaque côté de l'océan. Et le premier moteur à plasma embarqué sur un satellite, c'est en 1972. C'est un satellite russe qui s'appelle Meteor. Et les Américains ont suivi très vite par la suite. Et depuis, c'est en croissance exponentielle. Alors, c'est resté relativement discret parce que la propulsion spatiale est dominée quand même par les moteurs chimiques classiques. Et pourquoi c'est resté discret? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que cette technologie des moteurs à plasma fonctionne très bien, surtout pour des missions d'exploration. C'est là où elle donne le meilleur de son potentiel, je dirais. C'est une technologie qui ne peut pas être utilisée sur les lanceurs parce qu'on ne développe pas assez de force. Et donc, quand même, aujourd'hui, c'est surtout les lanceurs. Enfin, les gens, s'il y a une chose que les gens connaissent, c'est surtout les lanceurs, les navettes spatiales, Soyouz, Ariane et autres. Déjà, les gens sont moins familiers avec les satellites, mais les satellites ont leurs propres moteurs, qui sont des moteurs chimiques, bien que depuis une dizaine d'années, on embarque de plus en plus de moteurs à plasma. Parce que ça permet de réduire, en fait, comme je l'ai dit, la quantité de carburant embarqué. Et si on réduit la quantité de carburant embarqué, soit on a gagné de l'argent. Parce que quand même, ça coûte cher d'envoyer un kilogramme en l'air. En ordre d'idée, sur Ariane 5, un kilogramme, c'est à peu près 25 000 euros pour le lancement. Donc ça coûte cher. Donc si vous gagnez une tonne, ça peut devenir... Je laisse les auditeurs faire le calcul, mais on a gagné de l'argent. Ou alors, en fait, ce que font les opérateurs de satellites, c'est qu'ils remplacent cette tonne de carburant par une tonne de matériel qu'ils vont pouvoir utiliser pour faire de la communication. Donc c'est de plus en plus utilisé sur les satellites de télécommunication qui sont en orbite géostationnaire. Et on commence à entrevoir des possibilités d'utiliser ces moteurs aussi, toujours parce qu'ils font gagner du carburant, de la quantité de carburant, sur les satellites d'observation qui, eux, sont en orbite un peu plus basse, à quelques centaines de kilomètres. Mais le gros avantage de ces moteurs, ou je dirais leur point fort, ça serait pour les missions d'exploration. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas dans une phase de croissance exponentielle des missions d'exploration du système solaire. Donc pour l'instant, c'est assez discret. Il faut avoir effectivement un peu une vision, une stratégie. Donc ces moteurs, effectivement, ont été étudiés depuis une trentaine d'années. Donc il y a différents types de technologies, mais en gros, aussi bien aux États-Unis que dans l'ex-Union soviétique, ça faisait une trentaine d'années qu'ils étaient utilisés. Et en France, en fait, on a commencé à s'intéresser à cette technologie au début des années 90. Pourquoi au début des années 90? Parce que c'est chute du mur de Berlin 89-90, effondrement de l'Union soviétique. Et la France avait de forts liens avec la Russie d'aujourd'hui, donc l'URSS. Et là, il y a transfert de technologie à cette époque-là. Et la France, qui avait Ariane, qui avait quand même, qui est un pays qui fait partie des quelques pays, je crois qu'il y a 5-6 pays qui ont des technologies spatiales assez évoluées. Donc la France s'intéressait aux technologies spatiales et donc connaissait très peu aussi la, cette technologie-là. Et donc, transfert de technologie de la Russie vers la France pour étudier ces technologies-là. Et donc, le ministère commence à lancer des programmes de recherche en France, début des années 90. Et la grosse machine de test des moteurs va être construite à Orléans en 96. Donc, on commence à, les recherches en France commencent en 87. Donc, il y a des chercheurs qui sont qui viennent de différentes communautés, dont beaucoup de physiciens des plasmas, enfin beaucoup, quelques physiciens des plasmas qui travaillent là-dessus. Et donc moi j'arrive en 2003. Donc en 2003 il y avait déjà pas mal de choses de fait en France. Mais il s'avère en fait qu'il y avait encore beaucoup d'inconnus sur ces moteurs-là. Même encore aujourd'hui il y a encore beaucoup de choses qui sont un peu mystérieuses dans ces moteurs, même s'ils fonctionnent. Et là je me suis aperçu en fait qu'une des manières d'avoir plus d'informations sur ces systèmes-là, ça serait d'aller sonder en fait ces propulseurs à plasma avec des lasers. Et c'est là en fait où on fait le lien entre ce que moi je pouvais apporter, les besoins du domaine et un petit peu ce que je voyais. C'est-à-dire j'avais anticipé que si on utilisait les bons outils, qui étaient des outils que moi je connaissais très très bien, qui remontaient à ma thèse, et à ce que j'avais fait aussi les deux années d'avant au laboratoire, on pouvait obtenir beaucoup d'informations sur ces systèmes-là, et donc mieux les comprendre, donc améliorer leur performance, imaginer peut-être d'autres architectures, etc. Et j'ai juste visé juste. Donc voilà, j'ai commencé comme ça à mettre en place des systèmes laser. C'est un petit peu compliqué, il va falloir que j'explique comment marchent ces moteurs-là. L'idée, c'est celle que j'ai précédemment citée, c'est-à-dire qu'on va partir d'un plasma dans lequel il y a des ions positifs et des électrons négatifs. Alors on n'utilise pas les électrons pour la propulsion, pourquoi ? Et je pense que les gens ont compris, c'est qu'un électron, c'est très léger. Donc si on éjecte des électrons, on ne va pas pousser beaucoup parce qu'ils sont très légers. Donc il vaut mieux utiliser les ions qui sont beaucoup plus lourds. Donc on va s'intéresser uniquement aux ions positifs. Et pour gagner du carburant, on va accélérer ces ions positifs dans des champs électriques. Hein, parce qu'une charge positive, elle est accélérée dans un champ électrique, elle va dans le sens du champ. On va pouvoir les accélérer à des très très grandes vitesses. Donc en fait, on va avoir un accélérateur d'ions. Et un propulseur, ce n'est rien d'autre qu'un accélérateur d'ions. Alors qu'il n'a pas les performances de l'accélérateur du CERN, mais après tout, si on nous donnait suffisamment d'énergie, on pourrait très bien faire des propulseurs qui pourraient atteindre des vitesses relativistes. Donc on accélère ces ions. Et donc là, il y a deux manières de faire les choses pour accélérer les ions. La manière américaine, c'est la technologie qui a été développée dans les années 60-70-80 aux États-Unis, qui s'appelle des technologies des moteurs à grilles. Là, l'idée est assez simple, vous créez un plasma. Alors comment on crée un plasma ? On part d'un gaz. Donc nous, on utilise du xénon. Couramment, on utilise du xénon, qui est un gaz rare, présent dans l'atmosphère. Pourquoi du xénon ? Parce que c'est non toxique, parce que c'est très lourd, et que ça s'ionise assez facilement. C'est assez facile, entre guillemets, de faire un plasma de xénon. Son inconvénient, c'est que c'est très très cher. Donc on utilise du xénon, et puis il suffit de le chauffer. Si vous chauffez un gaz, vous allez obtenir un plasma. Alors on ne le chauffe pas avec un briquet. On a différentes techniques de chauffage, avec des ondes, avec des faisceaux laser, en faisant passer des courants, etc. Bon, peu importe, toutes les technologies sont utilisées en propulsion. Vous chauffez votre gaz de xénon, vous avez donc un plasma de xénon. Et ce qui vous intéresse, ce sont les ions xénon plus, que vous allez vouloir accélérer. Et donc pour faire ça, il suffit de mettre deux plaques, que vous polarisez, vous créez un champ électrique, et ça va accélérer les ions. Évidemment, pour que les ions passent à travers les plaques, il faut faire des trous dans les plaques. C'est pour ça que la technologie s'appelle technologie des moteurs à grilles, c'est-à-dire que les plaques deviennent de grilles. D'accord ? Donc vous polarisez vos deux grilles, les ions vont être extraits du plasma, accélérés à travers les deux grilles, ça va faire un faisceau d'ions qui va partir à très très grande vitesse. On a des vitesses typiques aujourd'hui de l'ordre de entre 20 et 50 km par seconde. C'est la vitesse du carburant, c'est pas la vitesse du vaisseau spatial. Ça, c'est la première technologie, bon, qui est assez simple, qui marche bien, qui a quelques inconvénients, mais où on maîtrise assez bien la physique. C'est pas la technologie qu'avaient développée les Russes. Les Russes avaient une autre technologie qui est plus intéressante, mais qui est beaucoup plus complexe. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis dans une autre voie ? Parce que, et là, il faut juste que je demande aux gens de me croire, parce que je ne peux pas l'expliquer facilement comme ça. Quand vous avez des grilles et que vous essayez de tirer des ions, au bout d'un moment, vous pouvez démontrer, aussi bien théoriquement qu'expérimentalement, que vous n'allez plus pouvoir tirer d'ions. C'est-à-dire qu'il y a une valeur limite du nombre d'ions qu'on va pouvoir faire passer à travers les grilles. Alors, on peut peut-être un peu le comprendre en se disant qu'au bout d'un moment, entre les grilles, il n'y a que des ions positifs. Au bout d'un moment, on aura mis tellement d'ions positifs entre les grilles que si j'essaye d'en mettre un de plus, il va voir ses copains qui eux aussi sont positifs et donc ils ne rentrent plus. Donc il y a vraiment une limite en courant. S'il y a une limite en courant, ça veut dire qu'il y a une limite en force. Autrement dit, ces moteurs ioniques à grilles développent peu de poussée. C'est des moteurs qui poussent peu. Donc les Russes se sont dit, est-ce qu'on peut faire un accélérateur d'ions, mais sans grille? Alors oui, la réponse est oui. Ils avaient trouvé ça dans les années 70. C'est des gens de la fusion nucléaire, en fait, qui avaient trouvé ça. Donc les mêmes que ceux qui aujourd'hui travaillent sur ITER, par exemple. On peut faire ça si on utilise un champ magnétique. Alors là, ça se complique nettement. L'idée, ça va être, à la place des grilles, on met un champ magnétique qui a une certaine forme. Alors c'est pas le champ magnétique qui va accélérer les ions, mais ce champ magnétique va, non pas par l'opération du Saint-Esprit, mais par les lois de la physique, va donner naissance à un champ électrique. Et c'est ce champ électrique qui va pouvoir accélérer les ions. L'avantage, c'est que ce champ électrique va être créé sans grille. Et comme il n'y a plus de grille, vous êtes plus limité en courant. Et comme vous êtes plus limité en courant, vous allez pouvoir pousser beaucoup plus. Autrement dit, la technologie russe, qui est la technologie choisie par la France, permet d'avoir des moteurs qui, pour une même puissance, pour une même taille, poussent beaucoup plus. Ce qui est quand même important, parce que dans l'espace, il faut quand même être capable de pousser beaucoup pour pouvoir faire certains types de manœuvres. Donc ça, c'est la technologie qu'on étudie dans mon labo. Enfin, l'une des technologies, parce qu'en 10 ans, maintenant, on a grossi, on fait autre chose. Mais c'est la technologie que j'ai commencé à étudier en 2003, celle que la France avait choisie. Et alors, pour répondre à votre question, l'une des premières choses qu'on a montrées grâce à des manips un peu précises avec des lasers, c'est que par exemple, personne ne savait quelle était la forme de ce champ électrique. Personne ne l'avait sondé. Donc on a pu mesurer assez précisément la forme de ce champ électrique et ses propriétés. Ce qui a permis de valider les codes numériques, de faire avancer les codes numériques, etc. Donc ça, c'est l'une des premières choses qu'on a fait. Les modèles. Alors les modèles ne sont pas... C'est pas dans mon équipe, c'est pas dans mon laboratoire que sont faits les calculs numériques. Les modèles sont développés sur ces propulseurs-là, en partie à Toulouse et en partie au laboratoire La Place, et en partie à l'école polytechnique au laboratoire CPHT. Donc on a deux équipes de modélisateurs, de numériciens qui travaillent là-dessus, en étroite collaboration avec nous. Et donc nous, c'était génial, on leur fournissait les données, puis eux faisaient tourner leur code, ils le validaient, puis ils nous disaient « Oui, mais alors là, nous, on a vu ça. Alors est-ce que vous le voyez ?» Puis nous, on revenait faire des manips. Donc là, on a vraiment, vraiment progressé sur quelques années très, très, très vite, et beaucoup plus vite que toutes les autres équipes partout sur la planète. Et là, je crois que ça a été vraiment un grand boom où la France est devenue leader de la science de ces systèmes-là, parce que, il y a peut-être une part de chance, mais parce qu'on a pu choisir la bonne manip, on a eu, ou j'ai peut-être eu une bonne idée ou une bonne vision. En tout cas, j'avais raison. Donc, voilà, a posteriori, je peux dire finalement, j'avais fait le bon choix et j'avais raison. C'est-à-dire, en m'intéressant à ces systèmes, et avec mon background et avec ce que je savais moi, j'ai vu qu'effectivement là il y avait quelque chose à faire et que moi je pouvais apporter quelque chose parce que je maîtrisais les outils dont on avait besoin. Après, la seule chose que je maîtrisais pas, c'était ce qu'allaient donner les expériences. Est-ce que ça allait marcher? Qu'est-ce qui allait en sortir? Est-ce que ça allait vraiment être intéressant ou pas? Est-ce que ça allait faire progresser le domaine ou pas, etc. Là, je maîtrisais rien, c'était juste un pari. Voilà, donc là j'ai fait le bon pari, j'ai misé sur le bon cheval. Il faut s'imposer, hein. Il faut montrer qu'on... je pense qu'on est vraiment sûr de soi. C'est pas, on est sûr de soi, évidemment. Alors après, c'est toujours facile de dire on est sûr de soi quand on a vu que ça marchait, mais je pense qu'au moment où on est convaincu que c'est ce qu'il faut faire. Et bon, ça marche pas toujours, hein. J'ai aussi eu des expériences où j'étais convaincu qu'il fallait faire quelque chose. Non, c'était pas du tout ça. Mais bon, ça fait partie. L'échec fait partie de la vie du scientifique et du physicien. Mais on apprend de l'échec. Pratiquement autant d'ailleurs que de la réussite. Mais là, ce qui a été vraiment bien, c'est que pendant quelques années, on a vraiment boosté le domaine et on a boosté les équipes françaises et on a, je pense, mis la France. Aujourd'hui, on est reconnu partout sur la planète. C'est à nous qu'on demande maintenant d'aller dans les autres laboratoires étrangers pour les aider, pour les guider sur ce genre de système et d'expérience. Donc ça, ça a été les premières choses que j'ai amenées à Orléans. Après, l'équipe s'est agrandie avec des doctorants qui sont arrivés, avec des post-doctorants. Maintenant, j'ai recruté une chercheure en plus. Et donc là, on a élargi notre champ de compétences, c'est-à-dire que maintenant, on fait de plus en plus de diagnostics, mais on s'est diversifié, on a construit d'autres outils de diagnostic qui permettent de mesurer d'autres choses. On a beaucoup travaillé aussi sur l'architecture de ces systèmes, on a proposé de nouvelles architectures, de nouveaux moteurs, et carrément de nouveaux concepts. L'idée, effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le xénon est un gaz intéressant, parce qu'il n'est pas toxique, parce qu'il... On peut facilement fabriquer un plasma parce qu'il est lourd et donc il pousse beaucoup quand on l'éjecte. Il a un seul inconvénient, c'est qu'il est rare et comme il est rare, il est très cher. C'est vraiment un gaz qui est très très très cher. Et aujourd'hui, il y a de fortes tensions sur le marché du xénon, globalement, mondialement, parce que le xénon n'est pas utilisé que pour la propulsion. D'ailleurs, nous, on utilise, c'est epsilon, hein, ce qu'on utilise en propulsion. Mais il est utilisé en médecine comme gaz anesthésiant et il est utilisé dans l'industrie des lampes, de plus en plus, pour les lampes sans filament. Donc là, avec des marchés énormes qui ont des besoins en xénon énormes. Donc il y a des tensions énormes sur le marché. Il y a eu une pénurie il y a 3 ans. Donc même nous, on n'avait plus de xénon pour faire nos manips. Donc les gens du spatial se disent, bon, ça ne peut pas durer comme ça. On ne peut pas être tributaire d'un marché. Et puis quand on prévoit des missions d'exploration, même si aujourd'hui il n'y a que des projets dans les cartons, il n'y a pas encore de projet un peu très ambitieux qui a été financé. Mais il y a quand même une sonde qui va partir vers Mercure, avec des moteurs, à plasma. Mais quand on essaie de regarder la quantité de carburant qu'il faut pour des missions d'exploration vers les planètes géantes, Saturne, Uranus, Jupiter, etc., là, ce sont des quantités colossales. Et donc là, le prix devient vraiment problématique pour la mission en elle-même. Donc les gens nous ont demandé de réfléchir à des nouveaux carburants. Alors bon, les nouveaux carburants, là, c'est un domaine, c'est infini, hein, on peut prendre... Il y a beaucoup de possibilités. Ceci dit, il y en a qu'on peut éliminer assez vite. Pourquoi on est resté plutôt sur le xénon, c'est un atome. On pourrait me dire, oui, mais après tout, il y a plein de carburants qui existent en propulsion chimique, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser les mêmes carburants qu'eux, puis en faire des plasmas, puis... C'est tout à fait faisable, hein. C'est tout à fait faisable. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'en propulsion chimique, les gens utilisent des composés organiques, les mêmes que ceux qu'on met dans les réservoirs de nos voitures ou des composés un peu plus sophistiqués. Alors on pourrait les utiliser, mais si on prend une molécule et qu'on en fait un plasma, qu'est-ce qui va se passer? Avant d'éjecter, de casser et d'arracher les électrons, on va commencer par casser la molécule. C'est l'exemple de l'eau que je prenais tout à l'heure. On va d'abord casser la molécule en plus petite molécule ou en atome, et puis après on arrachera les électrons. Le problème, c'est que vous allez dépenser de l'énergie bêtement à casser votre molécule. Alors, vous voulez pas la casser, votre molécule, vous voulez juste lui arracher ses électrons. Autrement dit, si on utilise ce genre de composés, qui sont bien, bien connus, qui ne coûtent pas forcément cher et qu'on sait stocker, on perd énormément d'énergie, de puissance, à fabriquer notre plasma. Donc, c'est pas rentable. C'est pas du tout rentable. Donc, on reste plutôt sur des composés atomiques, parce qu'un atome... par lui arracher des électrons, vous pouvez le casser, mais là ça demande des énergies colossales, donc c'est pas ce qu'on fait. Donc on reste plutôt sur des gaz atomiques, donc là déjà vous avez restreint la gamme, donc vous pouvez prendre votre tableau de classification périodique, vous enlevez tous ceux qui sont toxiques, vous enlevez tous ceux qui sont radioactifs, donc là vous allez en avoir. Et il vous faut des choses lourdes, il reste plus grand chose. Alors vous pouvez prendre le krypton, qui est juste en dessous du xénon dans la classification, mais qui coûte cher aussi. Alors aujourd'hui on travaille sur le krypton. Vous pouvez prendre l'argon, qui est juste en dessous du krypton, qui coûte pas cher du tout, mais qui est assez léger. Et... Alors on pourrait se dire, bah, finalement, il est juste plus léger, bon, ça va pas changer grand-chose, ça change tout. C'est-à-dire, quand on change la masse du gaz qui constitue un plasma, on a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En fait. Et autrement dit, les systèmes propulsifs, les propulseurs aujourd'hui, sont pas adaptés à un fonctionnement avec de l'argon. C'est-à-dire qu'il suffirait pas juste de remplacer le xénon par l'argon pour être efficace. Donc là, il y a tout un champ de domaines qui commence à s'ouvrir. Donc j'étais un tout petit peu précurseur il y a 3 ans et aujourd'hui on commence à travailler là-dessus. Et puis après on peut penser à d'autres carburants qui seraient très intéressants, qui sont les métaux, par exemple. Alors les métaux lourds, le bismuth, qui n'est pas toxique, qui est un métal très lourd, très très lourd. Alors il n'y a qu'un tout petit problème. Est-ce que vraiment un problème? Pour moi c'est pas un problème, mais pour les gens du spatial, pour les ingénieurs, c'est un problème. C'est-à-dire que les métaux sont sous forme solide. Alors ça c'est génial parce que comme c'est stocké, c'est déjà sous forme solide, vous pouvez embarquer vos briquettes. Et là vous allez pouvoir stocker des quantités de matière énormes parce que c'est déjà sous forme solide. Quand on stocke du xénon, il est sous forme gazeuse. Donc si on en veut beaucoup, on ne peut pas le stocker dans une énorme bouteille. Donc il faut le stocker soit à très très haute pression, hein, en état supercritique, ou alors il faut en mode cryogénique pour le liquéfier pour en mettre plus. Mais là, l'avantage des métaux, c'est qu'ils sont déjà solides. Vous avez énormément de carburant dans un petit volume. Le seul problème, c'est qu'il faut refabriquer un gaz à partir du métal. Alors sur Terre, on arrive à le faire dans un laboratoire, ça ne pose pas de problème. Il suffit de le chauffer, hein. Il suffit de le chauffer, le vaporiser, etc. Sur un satellite ou sur une sonde spatiale, ça veut dire qu'il faut... Le système, du coup, va devenir beaucoup, beaucoup plus complexe. Vous n'aurez pas uniquement un réservoir avec un carburant que vous faites arriver dans votre moteur, non. Il va falloir en gros fabriquer le carburant sur place. On y travaille quand même, parce que de notre côté, il y a des avantages d'avoir des métaux qui ne sont pas toxiques, qui sont très lourds, qui s'ionisent, on fait des plasmas très très facilement avec les métaux. Donc on commence à travailler là-dessus. On commence, ouais, c'est vraiment des... Je dirais là, c'est des directions nouvelles qu'on prend. On prend ces directions-là, nouveaux carburants pour nos moteurs à nous, mais qui s'adaptent aussi à la ça s'adapte à toutes les technologies. Là, c'est pas uniquement les deux technologies qui existent, et peu importe la technologie, on a intérêt à changer le xénon par autre chose. Ça, c'est une voie de recherche. Et puis l'autre voie, bien sûr, ce sont des nouveaux concepts. Parce que les concepts que j'ai cités, au moins les deux que j'ai cités, qui sont les deux qui sont utilisés actuellement, les autres concepts ne sont pratiquement pas utilisés. Donc ce sont ces deux concepts-là, à grille et à champ magnétique. On parle de moteur à effet Hall quand on a un champ magnétique. Sont les plus, c'est ceux qui dominent le marché, très très très largement. Ben, ils marchent bien en plus, donc il n'y a pas de raison de les changer. Mais ceci dit, il y a certains types de missions. Et là encore, c'est plutôt des missions exploratoires. C'est-à-dire pour tout ce qui est satellite de télécommunication, satellite d'observation, les technologies qu'on a aujourd'hui, ça va. Le fait de mettre du xénon, c'est pas trop problématique parce qu'on n'en emporte pas des quantités énormes. Par contre, dès qu'on essaye de penser à des missions d'exploration ou des missions scientifiques qui nécessitent certaines manœuvres particulières ou des voyages sur des très longues distances, ou... là, il faut peut-être pas seulement penser à changer le carburant, mais changer toute la technologie. Donc, repenser complètement le moteur et travailler sur un nouveau type de moteur, alors, qui utiliserait toujours un plasma, qui accélérerait toujours les ions. C'est toujours sans le principe de base, on ne le change pas. C'est toujours la même chose. Je crée un plasma, j'accélère les ions. Mais on peut penser à d'autres concepts qui permettraient d'avoir des poussées plus importantes, ou de consommer encore moins, ou d'avoir des rendements plus élevés, ou d'avoir des technologies plus simples, moins problématiques pour le vaisseau spatial, etc. Ouais, ça c'est la manière dont on vit et le travail au quotidien sur le court terme mais aussi sur le long terme en fait. Bon, ça part d'une bonne idée. Donc ça va nous prendre quelques mois, voire quelques années pour explorer un petit peu toutes les facettes de cette idée. Mais en même temps, au fur et à mesure qu'on travaille sur cette idée, si je reprends mon exemple, quand on a commencé à monter nos premières manips avec des lasers, avoir nos premiers résultats, travailler avec nos collègues numériciens et à voir que tout ça allait dans la bonne direction, en même temps, vous répondez à des questions, et aussitôt il y a d'autres questions qui surgissent. Et d'autres questions qui surgissent, ça veut dire qu'il faut continuer dans la voie dans laquelle vous êtes, peut-être affiner, etc. Mais ça vous ouvre aussi plein d'autres perspectives. Et donc le travail du quotidien, c'est mener ce qu'on est en train de faire là, à l'instant T, donc analyser les résultats, monter les manips, etc. Mais c'est en même temps se projeter, c'est-à-dire qu'on fait les deux. Alors je ne sais pas si le cerveau le fait en parallèle ou s'il le fait en série. Mais on fait les deux parce qu'on a un très beau résultat, mais il y a un petit truc qu'on n'explique pas bien, donc ça nous ouvre d'autres perspectives, ça donne des idées, soit de construire d'autres diagnostics, soit de changer tout, etc. Donc il y a constamment les deux aspects. Et de toute façon, au bout d'un moment, si je reprends cette idée d'utiliser des lasers, on continue à le faire aujourd'hui, mais l'idée première qui était de mesurer le champ électrique pour avoir des informations sur sa distribution, bon, ben, au bout d'un moment, vous avez rempli votre contrat. C'est-à-dire, au bout de 2-3 ans, ben, ça, c'est fait. Donc, moi, je travaille plutôt comme ça. Quand ça, c'est fait, bon, ben, c'est fait. Et je passe à autre chose. Mais vous avez raison. C'est-à-dire, je pourrais très bien me dire, ah, ben, tiens, ça, je l'ai fait pour ce moteur à plasma-là. Mais je pourrais aussi aller le faire dans un autre système. Alors, je ne l'ai pas fait. Mais maintenant, je vais le faire. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est linéaire. C'est-à-dire que... Pourquoi ce n'est pas non linéaire ? C'est les hasards de la vie. C'est-à-dire qu'au début, je m'étais plus laissé prendre au jeu de ces moteurs que je découvrais. J'avais plein d'idées, j'ai voulu faire plein de choses. Et puis maintenant, où ça fait presque 10 ans que je travaille sur ces systèmes-là, où j'ai exploré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Bon, c'est pas que j'en ai fait le tour, mais maintenant, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Et donc là, je peux me poser ma stratégie. Aujourd'hui, ma stratégie de recherche, ou la stratégie de recherche de l'équipe, elle est très claire sur ces systèmes-là. Parce qu'on sait beaucoup mieux où on va. Donc allez, en gros sur les années à venir, je vais pas la dire là, mais elle est cadrée, quoi. On sait à peu près ce qu'on va faire sur les 2-3 ans qui viennent. Et donc maintenant ça laisse du temps pour aller faire autre chose. Maintenant qu'on maîtrise bien quelque chose, alors ça je pense que c'est on est tous comme ça, bon ben ça c'est bon, on maîtrise, on comprend, on s'est bien éclaté, mais alors là il y a un truc super à faire dans un autre système qui est pas du tout mon propulseur, que je connais pas, où j'ai plein de choses à découvrir. Mais il y a des ressemblances, mais je peux apporter des choses, et c'est des gens que j'aime bien, c'est des bonnes équipes à qui j'ai déjà travaillé, etc. Je pense que c'est vraiment un processus non linéaire, et c'est pour ça que ce qui fait un peu peur aujourd'hui, c'est quand on voit la vision de certains de nos dirigeants sur la manière dont on doit administrer tout ça, si on les écoute, on a l'impression que c'est très carré, c'est projet après projet, c'est très... tout est parfaitement défini, on sait où on va. Non, c'est pas du tout ça. Et les pays qui réussissent en recherche sont ceux qui laissent quand même de la liberté. Il faut des contrôles, il faut sans doute des contraintes, etc. Mais si on laisse pas de liberté aux chercheurs, on ferait mieux d'arrêter tout de suite, on gagnera du temps. Mais je pense que c'est assez bien. Je pense que c'est ce qui a fait un peu la force de ce groupe de recherche en France là, sur la propulsion. C'est qu'on a su tous s'associer. Théoriciens, numériciens et expérimentateurs sur le même objet. Avec un seul but, c'est comprendre comment il marche et l'améliorer. Et puis, il y a eu de belles réussites et il y a toujours de la frustration. La frustration, c'est parce qu'on aimerait qu'il y en ait plus. Ou que ça aille un peu plus vite, hein, parce que l'industrie... surtout l'industrie spatiale, c'est une industrie très conservative parce que les coûts sont énormes, les gens n'aiment pas prendre de risques parce qu'il y a des polices d'assurance très élevées derrière, donc c'est quelque chose qui va doucement. Alors nous on aimerait qu'il y ait plus de missions spatiales d'exploration, bon on n'est pas les seuls, mais nous au moins on aurait nos moteurs, et puis les autres scientifiques auraient leur autre partie. Par contre on a quand même les satisfactions, c'est-à-dire d'une part de voir qu'on travaille assez bien avec l'industrie et qu'on je pense qu'on arrive à faire progresser l'industrie. Aujourd'hui les moteurs ont des bons rendements, on a de nouvelles idées, donc on avance avec eux. Et puis on a eu des satisfactions, par exemple, on a testé l'été dernier, donc dans mon laboratoire, suite à un grand programme européen dans lequel on était impliqué avec d'autres équipes du CNRS, industriel SNECMA, on a testé le plus puissant propulseur à plasma en Europe, donc avec les Américains et les Russes qui avaient fait mieux il n'y a pas longtemps, mais pas beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment une satisfaction. Pourquoi ? Parce qu'on est parti de rien. On est parti... dans le projet, on doit faire un moteur de 20 kW qui doit pousser un newton. Voilà, faites-le. Et je pense qu'aujourd'hui, on maîtrise bien la chose, on maîtrise bien la géométrie, la topologie magnétique, ce qui va se passer, etc. On l'a fait, il a marché du premier coup, et il y a eu des perfos même un peu meilleurs que ce qu'on avait prévu. Donc ça, c'est une satisfaction dans le sens où, voilà, bon, ben, ça a servi à quelque chose, on a progressé, on comprend mieux, et puis, ben, on est suivi, donc voilà, ben, si... Non, ce qu'on espère maintenant, c'est qu'on aimerait que nos moteurs soient, enfin, les nouveaux moteurs soient embarqués sur des missions spatiales. Ça, je ne sais pas si je le verrai un jour. Ça, c'est des missions qui déjà prennent 10 ou 20 ans à se monter, donc je suis plutôt jeune.